serre pas la main, je suis pas ton ami. Tu me verras venir comme un tsunami. Cette année c'est moi, je suis dans le navire. On va tout niquer, bas les couilles qu'on a vu. Ils parlent de la street, ils ont rien vu. On a sorti les armes, ils ont couru. Petit bâtard, on n'est pas défendu. Écartez-vous si les nerfs sont tendus. Coup de boule à la Zinedine. Rafale, AK, filet même. J'ai de la peufra de Bolivie. Tous les cleans sont filingens. J'ai fait du bénéfice, j'ai des envieux. Je me suis pas vu péter, je suis en bombe. Pour me charmer la pute et ses cambres. J'étais personne aime jeter comme la cendre. Et sa cigarette en bas du bâtiment. Je suis bloqué, je connais la loi du talion. La rue m'a eu, je n'ai plus de sentiments. Je me la frappe et je plante comme un avion. Je suis posé en bas du bâtiment. Je suis bloqué, je connais la loi du talion. La rue m'a eu, je n'ai plus de sentiments. Je me la frappe et je plante comme un avion. Quête la gestu, on est gang. Les billets sont sales dans le Banks. On rafale les schmitts, on est dingue. C'est chaud, bienvenue dans le Banks. Guette la gestu, on est dingue. Les billets sont sales dans le Banks. On rafale les schmitts, on est dingue. C'est chaud, bienvenue dans le Banks. Toute la journée dans le Banks. Pour les travaux, dis-moi thanks. La calade fait danser le funk. Si tu fais la fête et tu dois des beurrings. Je vais les quartiers les plus cramés. C'est réel, c'est pas du fake. Ouais, j'en ai vu des choses, crois-moi. Ça a rien de refler les pecs. N'oublie pas que t'es dans ma zone, c'est les démons qui me résonnent. Me fais pas le dent quand Léon, Léon, élite écoli de Amazon. 9h du matin, on est open, open. Le shit de mon quartier est tout jaune. Je viens de là où c'est réel, réel. Tu vas te faire fumer par un petit jeune. Et la cité, en bas du bâtiment. Je suis bloqué, je connais la loi du talion. La rue m'a eu, je n'ai plus de sentiments. Je me la frappe et je plante comme un avion. Je suis posé en bas du bâtiment. Je suis bloqué, je connais la loi du talion. La rue m'a eu, je n'ai plus de sentiments. Je me la frappe et je plante comme un avion. Quête la gestu, on est gang. Les billets sont sales dans le Banks. On rafale les schmitts, on est dingue. C'est chaud, bienvenue dans le Banks. Guette la gestu, on est gang. Les billets sont sales dans le Banks. On rafale les schmitts, on est dingue. C'est chaud, bienvenue dans le Banks.